Audiomatique. The riddle gets solved. Pour ouvrir la transmission 403 d'Audiomatic, nous avions droit à une version remixée par Alec Empire de la pièce Yoga, originellement composée par Bjork. Le Empire State of Emergency Remix d'Alec Empire apparaît sur la compilation Y2K Beat the Clock et la version originale de la pièce Yoka se trouve sur l'album Homogenic de Bjork. Et enfin, rappelons qu'Alec Empire, le pseudonyme de l'artiste Alexander Vilke, connu aussi pour sa participation à la formation Atari Teenage Riot. C'est la musique de l'artiste montréalais Ben Chemi qui assure maintenant la continuité audiomatique. Audiomatic, nous entendions le projet américain Zola Jesus de son sixième album Archon, lancé le 24 juin 2022. Nous vous avons présenté la pièce Son. Précédemment à Zola Jesus et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était l'artiste montréalais Ben Chemie, qui fait également partie du groupe Soons. De son troisième album solo Desiderata, lancé le 15 juillet 2022, il nous présentait la pièce The Future Indefinite, à laquelle participe le quatuor à cordes québécois Molinari. Et allons-y maintenant avec la formation Mono. Tried to make you understand. À Audiomatic, nous venons d'entendre le groupe Shabaka and the Ancestors, mené par le saxophoniste Shabaka Hutchings. Du premier album sorti en 2016, nous écoutions la pièce OBS. L'album se nomme Wisdom of Elders. Avant cela, c'était le projet Square Pusher et sa pièce Papalon apparaissant sur son deuxième album Hard Normal Daddy, publié en 1997. Et pour amorcer la séquence, c'était la musique du groupe Mono qui nous accompagnait grâce à la pièce Silicon, se retrouvant sur l'unique album intitulé Formica Blues qui est paru en 1997. C'est maintenant au tour du groupe anglais Asben and the Witch de se faire entendre à Audiomatic. there is nothing you can do. When lost in city rain, there is something you can do. Take refuge wherever is marked admission free, as we did one night back in late 43. I've never seen a man on the poster before, but my friend said he was a big star before the war. The boy by the door, louder than a bomb. All the way down the street you heard his song. Roll up tonight is a night. Freddie Fast gives his last will live on stage. Roll up for the show of a lifetime. The doors open at 7:45. Set an upholstery that was once brilliant. We picked its loose stuffing and looked around. There were duchesses and dukes, and beggars and pimps, all sat side by side to watch his last grasp at life. The grand centerpiece was a gold-green sarcophagus, flanked either side by oil-painted pictures of the man. First of all, a film to explain his lifelong dream. Afterward, the music started, and a young girl ran on with operatic screams. $65 who told through opera of his life's importance. They sang of his exploits all over the earth, his likes and dislikes, his undoubtable worth. And after a last crescendo, what they all cried as one, they hurried quickly off, but the music played on. From within a sarcophagus rose a spotless weathered hand, and Mr. Frost emerged, and to the racing beat he danced. With the vital energy of a newborn chimp, he spun and he spun and he spun and he spun and spun. Hopelessly wrinkled and by no means thin, he soon became dizzy, regained his composure, and started to sing. Thank you for listening, I won't be too long. Just 27 questions to finish this song. Does there exist a marriage that can survive castration? A future where a man can go a year without hydration? Is grass ever greener? Is the will really free? Is it only black you see when you join the deceased? Will I forever be a mediocrity? A hideous rat with trembling knees? In death will I see the girls of daydreams? Intangibly dressed, invisibly seen? Burn out, will my corpse grow a beard? Will my house be kept and my sperm be reared? My last shot at the big time, posthumous paste. Will I find a home or go to waste? In heaven do the morals of earth still stand? Or can I bridge the gap twixt beast and man? Is there such a thing as a universe? And through any lost secret to return, will you? Do nuns fornicate and do scientists pray? Is a sin committed every moment of every day? That's not quite 27, but my chest feels awful tight. So thank you for listening. Good night, good night. We are. Nous vous avons offert à Audiomatique la musique du groupe new-yorkais Interpol, de son 7e album « The Other Side of Make-Believe », paru le 15 juillet 2022, nous avons entendu la chanson « Into the Night ». Tout juste avant Interpol, c'était la formation anglaise « Black Midi » et la pièce « 27 Questions » qui se retrouve sur son 3e album « Hellfire », sorti également le 15 juillet 2022. Et pour débuter, il s'agissait du groupe britannique Asbin and the Witch, de qui nous entendions la pièce « When That Head Splits » de son 2e album « Wash the Sins, Not Only the Face » lancé en 2013. C'est sur la courte pièce du groupe Orange Sector que se terminera cette transmission d'Audiomatique. Nous allons ainsi écouter Infidierte tirée de l'album Mindfuck sorti en 2009. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer Orange Sector et la pièce Infidierte. C'était Audiomatique avec les sonoristes.